Tu étais beau, tu étais grand. Tu courais plus vite que le vent. Un jour sur une route de pluie, un accident t'a pris la vie. Moi, même au ciel, mon tout petit, je t'imagine patte de velours. C'est peut-être ça qu'on appelle l'amour. Du ciel jusqu'à la terre, accepte mes caresses. Au paradis des chiens, je te couvrirai tendresse. On jouera sur le lit, on rira sous la pluie. Je te sortirai à la belle étoile. Je te couvrirai de colliers, de caresses insensées, de manteaux matelassés assortis à tes poils. Tu es mon chien, mon balou, mon tout doux. Devant toi, je me mets à genoux. Tu es mon chien, mon balou, mon grand fou. Toi et moi, pour la vie, mon chouchou. Petit ballon.